qui se font jouer du Pink Floyd, qui commencent toutes leurs phrases par « Quand j'étais jeune », qui se racontent à chaque année tous les coups qu'ils ont fait quand ils étaient flous. C'est le Noël des vieux potes qui passent l'hiver en roulotte, qui ont jamais besoin de mettre de bottes. L'été, ils font pousser des fleurs, ils ont toutes, mais qu'est-ce qu'on peut bien leur donner? Quand on leur donne du Viagra, des chirurgies au laser, ça leur fera un ventre plat, ils verront peut-être plus clair. C'est le Noël des vieux Bordeaux qui commandent de notre apéro. Ils chialent contre les mauvais ados, ils ont toujours mal au dos. C'est le Noël des mon oncle Harley. C'est le Noël des papy en Mustang. C'est le Noël des vieux golfeurs qui rêvent d'un divorce meilleur. C'est le Noël des voyageurs organisés, champions sportifs de bon cœur. Ah non, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien leur gagner? Les chirurgies au laser, ça leur fera le ventre plat, ils verront peut-être plus clair. Alors mon cher, d'où est-ce que vous venez? Ah, vous savez, j'arrive de 6 mois de croisière sur la Volga. J'ai visité tous les musées de la Russie, tous les grands musées du patrimoine mondial. Et comment ça va ici? Ah, vous savez, ici la populace n'arrête pas de se plaindre. Il fait trop froid, il fait mauvais, ça coûte trop cher. Oh ça, j'en ai marre, moi, d'entendre ce petit peuple qui gêne, qui gémit, qui se plaint. Il n'est jamais content. C'est le Noël des vieux chums qui sont joués du Pink Floyd, qui commencent toutes leurs phrases par « Quand j'étais jeune », qui se racontent